je suis déchiré. C'est visible, je suis déchiré. Et franchement, j'en ai ras-le-bol de la bêtise ambiante. Les choses devraient être simples. La raison devrait triompher. Et ça ne va pas être si compliqué. Faire passer les choses claires. Mais il faut toujours que tous ces machins prennent des chemins détournés, hypocrites, et que ça te biaise dans tous les sens. Et blablabla, tout le monde s'en fout. Qu'est-ce qu'on en a? Faut juste être un peu honnête, bordel de merde, un peu franc du collier, un peu d'honneur, un peu de bonne foi, mais pas des porcs, quoi. Pas des chiens non plus. Donc voilà. Qu'on se prend bien la tête pour ces bandes de cons. Et puis que vive la compassion, parce que s'il n'y avait pas la compassion, on serait des misanthropes, des solipsistes, des salauds. Mais ça, on ne sait pas faire. Qui vont me poursuivre avec des couteaux comme ça. Ouais, les couloirs obscurs avec un grésillement de néon au plafond, une humidité comme ça qui disloque la peinture des murs. Et derrière moi, il y aura Big BD Kouchner avec des couteaux de boucher et des tabliers rouges. Et ils auront des Santiago. Et ils seront là en train de taper des Santiago sur le carrelage en damier noir et blanc et ils me courront après.